Un séminaire scientifique national du domaine de l'histoire a eu lieu le 28 novembre à l'Université Kim Il-sung à l'occasion du 40e anniversaire des instructions du président Kim Il-sung données pour réexaminer le problème de l'histoire de l'évolution de l'humanité en Corée. Y ont pris part des cadres intéressés, des enseignants, chercheurs et étudiants des universités de la ville de Pyongyang et du domaine des sciences sociales. Les orateurs ont dit que les grands hommes d'Ektesan ont accompli les exploits immortels en précisant les idées et théories originales sur la haute antiquité de l'histoire coréenne et l'origine des Coréens pour ainsi conduire lucidement à résoudre originalement le problème de l'histoire de l'évolution de l'humanité.